montez. Allez-y, montez. La pente est raide. Faites gaffe à la chute. À se retrouver plus bactère. Je demande juste un peu de repos. Les paupières fermées, ma tête entre deux barreaux. Les temps sont graves, gros. L'inspiration gratte trop. Les rimes fusent, se nourrissent d'un peu plus de flow à chaque trop. Bref, je m'entoure de mes bros et de leurs problèmes. Dur de garder les épaules droites et le dos ferme. Le rap game, tu le feras d'autres, frère. Tous ces clashs m'emmerdent et va pas croire que je me renferme. Au contraire, j'apprécie encore les punchlines de certains et ça me rend fier. Je mate plus les montgolfières, accro à la vente. Faites gaffe à la pente dans la chute, difficile de revenir en arrière. Quand le mal est fait, c'est tragique. Ça affaiblit l'esprit, l'effet baissage de frog devient magique. Prêt à tout pour se refaire une santé. Une petite variante de variette et t'es refait, ok c'est ça. Ça passera par la casse, cash, converteur et Pôle emploi. Alors vas-y, continue, invente-toi une vie. Joue dur, entouré de toutes tes barbies. De location à la limite, t'as raison, on ne vit qu'une fois. D'ailleurs, je te le dis, la vie, on en a qu'une, c'est pour ça que je la gâche. Moi j'ai, où est ma réalité? Le rêve, ça n'engage que moi. Je pense pas avoir leur intérêt. Je suis qu'un intermittent pour eux en phase terminale. Oh, si tu savais, ce n'est que la deuxième mi-temps. Et tout le reste va te rendre minable, inapto. Rendez-moi, oh, bah attends, je tape une petite clope. Une séance d'anti-pop, je te jette dans mon puits d'humeur. Tu vas en prendre plein la mirette, en ressortir myope ou cyclope. Tout nu dans la rue, bienvenue dans ma rue. J'ici les âmes enflammées de salut. Approche un peu, n'aie pas peur, on va pas te salir. On garde un fond de respect et la connaissance de savoir lire. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est malheureux. Et c'est tout con, je fais d'un rien une montagne. Sache que tu peux finir en cage juste pour une histoire de coupon. Concours de circonstances, voilà pourquoi je coupe court à ton existence. Je repassera par la casse, cash, converteur et Pôle emploi. Alors vas-y, continue, invente-toi une vie. Joue dur, entouré de toutes tes barbies. De location à la limite, t'as raison, on ne vit qu'une fois. D'ailleurs, je te le dis, la vie, on en a qu'une, c'est pour ça que je la gâche. Moi j'ai, où est ma réalité? Le rêve, ça n'engage que moi. Tes restes éphémères. Ton jack et le verre, ton bouillon de culturisme ou ton charisme de merde. Je peux paraître vénère, mais face aux petits êtres, vous n'êtes que la pire des conseillères ou la pire race. C'est la dernière cartouche que je vous lâche en ne citant aucun nom. Tu veux me signer au canon, me louper, ça n'engage que moi. On ne m'achète pas, même en faisant miroiter des avantages de barge. Ou que la gloire m'attend une fois atteint le grand large. Passe ton chemin, tu trouveras d'autres crétins prêts à être élevés en cage. Je préfère rester en marge de tout ça tant que j'arrive à contenir ma rage. Et si la réussite me passe sous le nez, sache que ça n'engagera que moi. Tant que je sais où diriger ma vie et que je ne la gâche pas. Je repassera par la casse, cash, converteur et Pôle emploi. Alors vas-y, continue, invente-toi une vie. Joue dur, entouré de toutes tes barbies. De location à la limite, t'as raison, on ne vit qu'une fois. D'ailleurs, je te le dis, la vie, on en a qu'une, c'est pour ça que je la gâche. Moi j'ai, où est ma réalité? Le rêve, ça n'engage que moi. Je repassera par la casse, cash, converteur et Pôle emploi. Alors vas-y, continue, invente-toi une vie. Joue dur, entouré de toutes tes barbies. De location à la limite, t'as raison, on ne vit qu'une fois. D'ailleurs, je te le dis, la vie, on en a qu'une, c'est pour ça que je la gâche. Moi j'ai, où est ma réalité? Le rêve, ça n'engage que moi.